Bon, pour la deuxième leçon de la journée, nous allons nous attacher à mettre ce que nous avons découvert ensemble dans la première session, nous allons nous attacher à le mettre en pratique en nous rendant compte que vivre la communauté, c'est d'abord établir des relations, des rapports les uns avec les autres. Et quelle est la définition, la nature de ces relations? Eh bien, essentiellement des relations de service, en tant que serviteurs les uns des autres, de service envers les uns des autres. C'est de cela qu'il s'agit. D'abord, voyons comment fonctionne la communauté trinitaire. Et je suis page combien là? Page 9. Tout au haut de la page 9. Eh bien, nous savons comment ça se passe, puisque cela nous est dit, surtout dans le Nouveau Testament. Il y a là une relation de respect et de la recherche de l'intérêt commun. Le Père est constamment à glorifier le Fils, autant qu'il le peut, à chaque occasion qui lui est offerte. Et en retour, le Fils glorifie le Père. Le Père donne tout ce qu'il a au Fils. Il lui donne la souveraineté absolue et universelle. Il n'appartient pas au Père, mais au Fils, parce que c'est ainsi que ça a été fait. Et le Père donne au Fils le nom qui est au-dessus de tout nom, donc le nom suprême, et vous connaissez la signification profonde du nom dans le monde biblique. Et en retour, le Fils donne au Père tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, même sa vie. Et bien sûr, le Saint-Esprit est là qui fonctionne pour servir les intentions de la communauté trinitaire. Je crois que l'expression suprême de qui est Dieu nous est donnée dans le Nouveau Testament lorsqu'il nous est dit que lui, qui était Dieu et qui était égal à Dieu, n'a pas considéré cela comme une proie à arracher et à retenir, de se considérer comme égal à Dieu, mais qu'il a laissé aller. Et de palier en palier, il s'est humilié. D'abord en se dépouillant de ses titres, de ses attributs manifestes de la divinité. Jamais, il ne s'est jamais dépouillé de sa divinité, mais des signes extérieurs de la divinité. Et bien qu'étant Dieu, il s'est fait homme. Étant homme, il a pris sur lui la forme de serviteur. Est apparu parmi nous comme un servant. S'étant identifié à la condition humaine, il a été jusqu'au bout de cette condition humaine en acceptant la mort, qui va être notre expérience à tous. Non seulement la mort, mais il a accepté que cette mort soit la mort la plus ignominieuse à l'époque, qui était la mort d'un criminel sur la croix. Et de l'autre côté de la mort, il y avait la tombe. C'est ça qui révèle qui est Dieu. Et nous savons que cela plaît à Dieu, que c'est dans sa volonté, parce que, comme résultat, Dieu l'a souverainement élevé. et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, ça c'est pas le nom, ça c'est le nom de l'humiliation, afin qu'au nom de Jésus, toutes les langues confessent qu'il est, quoi? Seigneur! Seigneur suprême. Oui, il reçoit la dignité suprême. Et cela pour la gloire de Dieu. Vous voyez le retournement encore une fois? Le va-et-vient, la réciprocité. C'est ça qui révèle le cœur de Dieu. Quelles étaient les relations entre l'homme et la femme au début, avant la chute? Eh bien, elles étaient le reflet de ce que sont les rapports dans la communauté, puisque c'est l'image de Dieu qui avait été créée. En effet, je vous rappelle le texte au chapitre 2. Où Dieu dit, il n'est pas bon, c'est au verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Cette aide doit être comprise comme un secours qui est présenté à l'homme dans son besoin, mais en apportant ce secours, elle devient quand même, elle devient son serviteur à lui. Elle devient servante à son besoin. Bon, mais encore une fois, il y a réciprocité, parce que elle devient servante en ce que c'est grâce au secours qu'elle lui apporte, qu'il devient ce que Dieu avait décidé, qu'ils seraient tous les deux ensemble, c'est-à-dire communauté. Bon. Mais il y a réciprocité, en effet, voyez au verset 21, Dieu fait tomber un profond sommeil sur l'homme pour lui donner vie. À la femme, l'homme doit mourir à soi-même, pour ainsi dire. Et Dieu prit une de ses côtes, Dieu va au profond de l'être de l'homme, près de son cœur, prend une partie de lui pour en former la femme, afin qu'il y ait complète identité entre les deux, qu'il y ait une seule chair. Et ce faisant, l'homme donne de soi, vous voyez, le don de soi, qui est cette pulsion à l'intérieur de la Trinité, elle existe là, ici aussi. Et comme résultat, verset 24, ils deviennent une seule chair. Mais regardez le verset 24, je voudrais vous montrer quelque chose là qu'on remarque pas facilement parce que nous sommes tellement habitués à cette parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bien sûr, c'est une projection vers l'avenir, ça. Il n'y a pas de père et de mère là dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Donc il s'agit de projeter dans une autre culture. Quelle est cette culture? La culture du monde biblique. Or, il se fait que dans ce monde biblique, c'était exactement le contraire qui se passait. La tradition était pour l'homme de rester là où il était, et c'était la femme qui lui était désignée, qui se déplaçait, qui quittait son père et sa mère, et qui s'attachait à son époux. Il devenait une seule chair. Et la nouvelle famille s'ajoutait à la famille patriarcale qui était sur place, qui existait déjà. Et pourtant, ici, c'est exactement le contraire. Quand même étrange. C'est le bonhomme qui se déplace et qui vient vers la femme. Elle, elle est au centre. Elle est le point de référence, elle ne bouge pas. Autant que je sache, il n'y a aucune culture où c'est la personne la moins importante qui reste sur place et la personne la plus importante qui se déplace. Ici, le mouvement est dans le sens contraire. Je m'explique. Disons que je suis un roi. Hein, ça changerait les choses, ça. je suis sur mon trône, couronne, sceptre, au milieu de mon palais. Et pour une raison quelconque, je dois négocier une certaine transaction avec un paysan dans le village. Eh bien, en tant que roi qui se respecte, je ne vais pas mettre mon sceptre de côté, ôter ma couronne, me lever de mon trône et puis trébucher le long du sentier pour aller jusqu'au village, trouver la chaumière de mon petit père là, et taper sur la porte et puis lui dire, je voudrais bien... ah bon? Non, c'est vous qui devriez être le roi. c'est le contraire. Le roi reste sur son trône avec sa couronne, avec son sceptre dans son palais, et il commande que ce paysan vienne à lui. Le paysan qui est convoqué de cette manière arrive et il reconnaît le roi et ils font leur transaction. Dans ce cas, ici, c'est elle qui est, pour ainsi dire, sur le trône et c'est lui qui se déplace. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que dans une communauté de serviteurs, il n'y a aucune différence entre celui qui va ou qui vient. Il aurait pu en être le contraire, ça aurait été la même chose. Parce que vous voyez, dans une communauté de servants, on n'est pas là pour s'impressionner l'un l'autre. On n'est pas là pour se mettre en avant, pour se mettre au-dessus. On est là pour servir. Et c'est ça qui compte. Et puis, il y a le verset 25. Quelqu'un veut bien lire le verset 25, s'il vous plaît? Allez-y, n'importe qui. Ah, cela, merci d'avoir lu ce verset, mais moi, je n'osais pas. Bien qu'étant français, mais quand même, je me sentais gêné. Tu as très bien lu, non? Ah ben, c'est encore pire. Cela, on se connaît depuis longtemps, je peux me permettre ça avec elle, parce qu'on se connaît depuis plus de 40 ans. J'en ai fait ma victime, elle était étudiante lorsque j'enseignais en Europe. Bon, pendant longtemps, ce que je disais lorsque je butais sur ce verset, c'est des platitudes courantes, il s'agit là de la transparence l'un envers l'autre, de l'honnêteté, la présence spontanée l'un envers l'autre. Et puis, des fois, j'allais plus loin. Je disais, il s'agit peut-être un peu de liberté sexuelle l'un envers l'autre. Enfin, des bêtises, quoi. Pourquoi ces sottises? Parce que j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose là dans ce verset que je ne tenais pas en compte. Et c'était les derniers mots. où il est dit « et il n'avait pas honte ». Vous voyez, il y a un message implicite ici. Et le message, c'est que normalement, c'est une situation qui devrait faire honte, qui aurait dû faire honte, mais eux n'avaient pas honte. Qu'est-ce qui se passe? J'ai finalement fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps avant ça. J'ai fait une étude dans la Bible sur la nudité, sur le nu. Et j'ai découvert que les gens qui sont nus, qui vont nus, ce sont les gens aux premiers échelons, tout en bas de cette échelle hiérarchique dans la société. Ce sont les orphelins, les pauvres, les indigents, les mendiants, ce sont les captifs, les prisonniers, les esclaves et les serviteurs. Le plus haut on monte sur cette échelle, le plus abondant, le plus raffiné, le plus cher sont les vêtements de la personne. Et j'ai remarqué que, Eric, nous sommes tous les deux à porter une cravate aujourd'hui, nous sommes les seuls. Nous sommes tout à fait là-haut. L'orgueil des enseignants. Rappelez-vous, une fois que la grande rébellion s'est instaurée dans le jardin, quelle est la première chose qu'ils ont faite? Ils se sont couverts avec tout ce qu'ils ont pu trouver. À la va-vite. On parlait de la chambre haute. Vous vous souvenez, lorsqu'ils sont venus pour la dernière fois dans la chambre haute, le petit gars qui devait faire la cérémonie du lavage des pieds n'était pas là. Alors, les disciples, comme des imbéciles, ils se regardent l'un l'autre, ne sachant quoi faire. Il ne vient pas à l'idée de laver au moins les pieds du maître. Dans le moment de confusion qui s'ensuit, c'est lui qui va dans l'arrière-cuisine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient sans ses vêtements, comme un serviteur, avec un bassin. Il se met à leurs pieds. Il s'abaisse devant eux. Et le lendemain, quand il est devenu serviteur à l'ultime, sur la croix, vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait de ses vêtements? Comment il est mort? Quel est le message ici? Le message, c'est que dans une communauté où l'on est serviteur l'un de l'autre, il n'y a pas de différence. On est tous au même niveau. Et le niveau, c'est la soumission mutuelle. Ce n'est qu'après, lorsqu'il s'instaure un ordre hiérarchique, qu'on pense soudainement, à la hâte, il faudrait se distinguer de l'un de l'autre. Bon, la rédemption dans le régime du salut. Qu'a dit Jésus au sujet des rapports entre chrétiens? Oui, nous sommes au paragraphe 3, page 9. Eh bien, pour cela, je vous conduis, si vous le permettez, au Nouveau Testament, encore une fois, l'Évangile de Marc. à ce moment critique dans le ministère, au milieu du ministère de Jésus, lorsque il emmène ses disciples pour faire une retraite, un espèce de congé, des vacances vraiment, dans cet endroit idyllique, à Césarée de Philippe, qui aujourd'hui s'appelle Banias, en haut de Galilée, et où Jésus veut approfondir leur compréhension de qui il est. Et enfin, les disciples réagissent et c'est Pierre qui lui dit « Tu es le Christ ». Les disciples attribuent à Jésus le titre le plus élevé qui existait dans cette culture. Je suis au chapitre 8, versets 27 et suivants. C'est lorsque Jésus est identifié comme étant le Christ qu'il commence, c'est là qu'il commence à leur dire clairement que lui doit être rejeté par les anciens sacrificateurs, les scribes, qu'il doit être mis à mort avant de ressusciter. Et il leur disait ces choses ouvertement. Et c'est alors que Pierre le prit à part et le reprend. Vous imaginez ça? L'apôtre qui attrape Jésus, le retourne, et puis qui lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de mourir, de souffrir? Tu es le Christ, tu es le Messie. Et Jésus ne laisse pas passer ça. Verset 33, il se retourne, il regarde ses disciples, il les implique, et il réprimanda Pierre en disant, « Arrière de moi, Satan, car tu ne comprends pas le programme de Dieu, tu n'as qu'un programme humain devant toi. » Bon, « Arrière de moi, Satan », ça vous rappelle quelque chose, ça? La tentation de 40 jours de Jésus dans le désert au début de son ministère, n'est-ce pas? De quoi s'agissait-il dans cette tentation? Bien, il y avait trois tentations essentiellement. D'abord, il y avait les pierres à changer en pain. C'était une tentation dans quel sens? Eh bien, les Juifs à l'époque attendaient qu'il vienne un second Moïse qui serait leur délivrance, leur libérateur, et que ce second Moïse, comme il avait nourri le peuple dans le désert, celui-ci nourrirait aussi le peuple qui irait à la conquête du monde dans le désert. Et Jésus refuse cette tentation. La deuxième tentation, c'est le temple, jette-toi, les anges, manière de te manifester. Et en effet, à l'époque, les Juifs croyaient que lorsque le Messie viendrait, il se déclarerait dans les parvis du temple, qu'il rassemblerait le peuple, qu'il appellerait à lui des légions d'anges, qu'ils iraient contre l'Empire romain pour établir le royaume de Dieu sur terre. Et Jésus refuse cette tentation. La troisième est encore plus explicite. C'est la montagne. Et puis le malin lui dit, écoute, on va s'arranger. On va 50-50. Hein? On partage la chose. On se met d'accord. On fait un compromis. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de mort, de souffrance, de serviteur? Tu es le maître. Eh bien, la richesse, la puissance de tous ces royaumes, c'est à toi, tu me reconnais, je te reconnais, puis on y va. C'est alors que Jésus lui dit, arrière de moi Satan, et c'est la même tentation qui est présentée ici à Jésus. Vous voyez, Pierre ne comprend pas le sens profond du ministère de Jésus, il voit en lui le Messie impérial, conquérant, triomphant, mais pas le serviteur souffrant que Jésus se déclare être. Vous voyez la tension qui existe là? Et c'est alors que Jésus explique, si quelqu'un veut venir après moi, je suis au verset 34, et qu'il renonce à lui-même, le renoncement à soi-même, c'est toujours pour l'amour des autres, ce n'est pas quelque chose dans le vide, c'est pour l'amour des autres, qu'il se charge de sa croix, la croix c'est encore quelque chose qui est consenti pour l'amour, le salut des autres, et qu'il me suive, c'est comme ça qu'on suit Jésus. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra, mais celui qui perdra sa vie dans le service à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Bon, eh bien ça c'est clair. Alors, les disciples ont compris, hein? On ne peut pas être plus clair que ça. Et pourtant, Jésus qui n'ont pas compris, car au chapitre 9, au verset 36, une deuxième fois, Jésus enseignait ses disciples en disant qu'il serait livré entre les mains des hommes, qu'il ferait mourir, et puis après 3 jours, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, ils ne comprenaient pas ce que c'était, que de service pour les autres au point de mourir. Ils ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Pourquoi craignait-il l'interroger? Parce qu'il risquait de comprendre. Donc Jésus, pour la deuxième fois ici, enseigne que son rôle est celui du serviteur souffrant. Et regardez ce qui suit cet enseignement, le texte. Ils arrivent à Capernaum et Jésus leur demande « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Il y avait une conversation animée, de quoi s'agissait-il? Ils gardèrent le silence car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Jésus est en train de parler de la croix, ils sont en train de parler d'être au plus haut de cette échelle. Vous voyez? Alors il s'assit, il y a de quoi dans être assis là. Il appela les 12 et leur explique, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier. Si vous voulez être au haut de l'échelle, vous allez au bas de l'échelle et vous devenez serviteur de tous. Vous voyez ça ici au verset 35? Et il les regarde droit dans les yeux et il voit qu'ils n'y comprennent rien. Comment peut-il s'expliquer? Dans la cour, à l'extérieur, il entend des enfants jouer. Il dit, restez là, bougez pas. Excusez-moi un instant. Il sort. Il prit un enfant, il le prend par la main, l'amène, le place au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il vient d'être identifié comme le Messie. Lui, il sait qu'il est le Fils de l'homme. Il sait qu'il est un membre de la communauté trinitaire. Et pour le prendre dans ses bras, moi j'imagine qu'il va comme ça, un genou en terre, et qu'il entoure l'enfant de ses bras pour le rassurer. Il le prend dans ses bras, et voici ce qu'il leur dit. Il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. » Qu'est-ce que cela veut dire? Dites-moi, sur cette échelle, où est le petit-enfant? Il est ici, tout en bas, hein? Et ce que dit Jésus, si vous voulez me trouver, c'est là que je suis. là où est cet enfant. Je m'immole comme serviteur avec cet enfant. Et dit encore quelque chose de plus terrible. Il implique Dieu, le Père. Il dit ensuite, verset 37, « Quiconque me reçoit, ici, là où je suis, avec le petit enfant, reçoit non pas moi, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Il dit, c'est dans le caractère de Dieu, bien que nous soyons souverains suprêmes dans l'univers, c'est dans le caractère de Dieu que nous soyons là, au bas de l'échelle où est cet enfant. Ben maintenant, ça c'est clair. Enfin, une leçon d'objet comme ça, c'est clair. Chapitre 10, verset 13. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Alors, les petits-enfants qui sont là, où est Jésus? Les disciples qui se mettent ici, comme les gardes du corps du Christ, ils les reprennent. Et Jésus ne se met pas en colère facilement, mais ce coup-ci, il fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des dieux est pour ceux qui leur ressemblent. » À moins que vous deveniez comme eux et que vous mettiez à ce niveau-là, il n'y a pas moyen, vous ne faites pas partie du royaume de Dieu. Et regardez cette description très vivante. Il prit dans ses bras les petits-enfants, les bénit en leur imposant les mains. Il a tout le temps dit. Il se perd dans le monde de ses petits. Ils vont à Jérusalem, et puis en chemin, Jésus sait qu'ils n'ont rien compris. Hein? Alors, il recommence encore une fois. C'est pas facile hein, d'être un enseignant. Verset 33. Voici, nous allons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes. Regardez les détails. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, battront de verre, le feront mourir, trois jours après il ressuscitera. Après un enseignement aussi clair que celui-là, à quoi vous attendez-vous? Aussitôt après, regardez, aussitôt après, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, fais pour nous ce que nous te demanderons. Si tu nous aimes bien, prouve-le. Alors il dit, demandez d'abord et puis on verra ensuite. Il ne veut pas se faire avoir. Alors finalement, ils lui disent, accorde-nous d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Oui, la gloire de Jésus, c'est encore la même chose, la pyramide, l'échelle, mais en forme de pyramide. Bien sûr, le Christ est le souverain suprême, et après, juste au-dessous de Christ, qui c'est? Jacques et Jean. Et bien sûr, les autres au-dessous, et puis nous autres, ici, tout. Nous, on ne compte pas. Alors, Jésus, encore une fois, sait qu'il a un problème. Qu'est-ce qu'il va dire? Ils ne comprennent pas. Jésus dit, d'accord. Ma droite, ma gauche, dans mon royaume, absolument. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? C'est ça mon royaume. C'est le royaume du serviteur souffrant. Jacques et Jean, Vous voulez les meilleures places au royaume, des positions de suprématie. Tout ce que je peux vous offrir, Jacques, c'est une croix ici à ma droite et Jean, c'est une croix ici à ma gauche. C'est ça mon royaume. Sur ces entrefaites, les 10 autres disciples arrivent. Verset 41. Et ils commencent à s'indigner contre Jacques et Jean. Pourquoi ils sont en colère contre Jacques et Jean? Parce que Jacques et Jean se sont mal conduits. Quelle est la motivation là, de leur colère contre les deux? C'est parce qu'ils ont été les premiers à demander pour les meilleures places. Alors, Jésus sait qu'il y a un problème. Une autre occasion de s'asseoir, là. Ça serait moi, j'irais me coucher et puis j'oublierais. L'enseignement de Jésus, le voilà. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que leurs grands, les gens qu'on regarde comme étant leurs supérieurs, exercent l'autorité sur eux, littéralement, dans le texte. Et Jésus n'a pas de problème. Il sait très bien que là-bas, en dehors, le monde païen, il y a besoin de très fortes structures de leadership pour tenir la société, pour qu'elle ne se désintègre pas. Jésus paye les taxes, il reconnaissait à César le droit d'être César. Le Nouveau Testament dit que les chrétiens doivent être soumis aux autorités, etc. Il n'y a pas de problème là. Mais quand il s'agit de la manière dont la communauté fonctionne, Jésus dit « les grands exercent l'autorité sur eux, mais il n'en sera pas ainsi parmi vous ». Prohibition absolue, ici, de gérer la communauté de la même manière que la société païenne s'organise. Quiconque veut être grand parmi vous, en haut de l'échelle, doit être votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous doit être l'esclave de tous. Vous voyez le renversement des valeurs du monde ici dans l'enseignement de Jésus. Et d'où est-ce que ça vient? Encore une fois, c'est la nature même de Dieu. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon. Oui, je vous disais, la première chose que je vous ai dit ce matin, c'est qu'on a perdu le sens de la communauté, la définition de la communauté. Il me semble que là, c'est un bon endroit pour commencer à la redécouvrir, cette communauté. Voyons ensemble ce que faisait l'Église. Alors, je suis à page 10, là. Eh bien, c'est facile, on va d'abord aller à l'église de Jérusalem. On sait exactement comment se comportait l'église de Jérusalem pour ces questions de gouvernement, de gérance. Au début, qui étaient les responsables dans l'église de Jérusalem, tout au début, après la Pentecôte? Oui, les 12, 11 ou 12, d'accord? Mais ils se sont vite rendus compte de ce qu'ils ne pouvaient pas suffire à la tâche, et ils se sont attachés 7 autres. qui ostensiblement devait servir aux tables, mais qui en fait accomplissait exactement les mêmes choses que les disciples, c'est-à-dire qu'ils faisaient des signes, des miracles, comme Philippe et puis Étienne, ils prêchaient, ils enseignaient, etc. Donc, il y a les 12, puis ensuite il y a les 7. Vous arrivez au chapitre 11, versets 29 et 30. Vous découvrez que dans l'église de Judée, c'est-à-dire de Jérusalem, il y a maintenant aussi des anciens. Mais d'où viennent-ils? Pourquoi? Ils avaient déjà les 12, il y a les 7 maintenant, et puis maintenant les anciens. Vous voyez ça? Bon, on arrive au chapitre 15 du livre des Actes. Il y a une grande décision à prendre qui intéresse toute l'Église à l'époque. Il y a un conseil qui se réunit, un concile qui se réunit à Jérusalem et un peu tout le monde y participe, mais la décision est faite. Et lorsque la décision est faite, qui l'a fait? Verset 22. Il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de faire ceci et cela et d'écrire une lettre qui était conçue et signée par tous ces gens-là. Donc, on voit ici que l'Église a progressé, elle est devenue mature, qu'il y a maintenant une participation totale de la communauté dans les décisions de la communauté. Et puis après, eh bien, il y a encore une référence à l'église de Jérusalem. C'est quand l'apôtre Paul, c'est au chapitre 21, c'est quand l'apôtre Paul revient à Jérusalem pour la dernière fois et il veut présenter un rapport à l'église de Jérusalem. Et qui reçoit ce rapport? Les apôtres, bien sûr. Non. Non. Il n'y a plus d'apôtres. Il n'y a plus d'apôtres. Oui, les anciens et Jacques, et puis les frères, c'est-à-dire l'assemblée. Et qu'est-il arrivé aux apôtres? Ils ont disparu, sans un mot. Aucune explication dans le livre des Actes. C'était pourtant les acteurs essentiels au début. Mais voyez ce qui se passe ici. Les ouvriers ne sont pas aussi importants que l'œuvre. C'est l'œuvre qui compte. Ce ne sont pas les dirigeants. Les dirigeants ne sont que des servants. Disponibles. Mais qui peuvent disparaître et l'œuvre continue. Bon, allons à l'église de Rome. Acte, Romain, l'église de Rome. Une épître très importante, Romain. Un problème à Rome, les chrétiens juifs et les chrétiens païens, d'origine païenne, sont pas d'accord. Beaucoup de tensions entre les deux communautés chrétiennes dans Rome. L'apôtre Paul leur écrit l'épître pour leur dire que l'un ne vaut pas mieux que l'autre. Hein? On est tous dans le même état de condamnation. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Et il dit, acceptez-vous les uns les autres comme Christ vous a accepté. C'est vraiment le point culminant de l'épître, chapitre 15, verset 7. Mais normalement, dites-moi, il y avait des anciens dans toutes ces églises, il y avait des diacres, il y avait des dirigeants, il y avait des responsables. Normalement, l'apôtre Paul aurait dû dire à ces gens-là, mais secouez-vous, anciens, Prenez la chose en main. C'est à vous qu'il incombe d'amener de l'ordre dans cette église.